ciel, c'est du soleil toute la journée. Le plus grand festival Radio Arc-en-Ciel, le festival des Saints Populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito. Dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les 3 groupes de tambours. Venez nombreux. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Arc-en-Ciel, un amour de FM. Car je cours à contre-courant. Tu grandis, tu oublies, c'est rien, c'est la vie. Ça j'achète, ça parle, c'est rien, c'est la vie. Je tombe dans la zone. Toujours ça va dans l'équipe, ça fait des lèvres. Ma vie de voyou, un peu mignon, un peu dangereux, parfois jaloux. J'm'arrache qui pique, quoi les drames. Bourré, bourré, j'fume et j'plane. Sonny, sonny, j'dis que t'es fan. Et n'est pas les. Je suis resté toujours mince. Je veux tout d'un coup. Dans la zone, on prend la droite. Ça fait des pés, ça vient avant. Dans le rôle, je suis sous pied, je suis sous terre. Personne qui va te repêcher. Je fais des sauts, y'a que tu pour protéger. Je crois que tout le monde check. Qui est monté en maison d'arrêt. Tranquille, je vous mets. Tu vas ma vie, essaye encore. Ça crève les yeux, t'es mûr dans le vide, je t'ai un seul. Je garde le sourire. J'ai la fête, c'est fort. J'ai essayé d'oublier, mais je suis bête, c'est mort. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Gabi Bell, Bibel. J'ai claqué la porte, je ne veux plus voir sa tête. Je vais te faire oublier. Ta vie, je vais sublimer. Ça prendra une année, peu importe la. Et bien, même sans moi, non. Sans l'homme, il ressent moi, sans moi, non. Ta vie, il meurt, ouah, ouah, ouah. Pour lui, je meurs, ouah, ouah, ouah. dessus de la peau. Même le matin t'es beau. Faut laisser le mic, tu sais pas pilote, t'as fleuri, ça prend tes Nike ou ton papillon. J'essaie de te haïr, oui, mais tout me ramène à toi. Tu m'as fait voir le. Sans sortir de chez moi, je mets les mains dans la neige. Elle veut monter, descendre, faire un tour de manège. Évidemment, on pleure un peu. Ma petite étoile. Il est 13h, passé de 30 minutes. Voici le retour avec l'émission tout simplement Soir Arc-en-Ciel tous les vendredis entre 13h30 jusqu'à 16h. Voilà donc, eh bien, le soleil est toujours là avec nous. Donc la musique aussi est là aussi. Donc ça veut dire que les deux sont là, le soleil et musique. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Et puis donc, on va essayer de bien se passer un après-midi ensemble avec plusieurs chansons différentes. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec les Frangines, Donnez-moi. Et puis juste après, on écoutera tout simplement une autre chanson avec Marc Lawan. Pas des gens de l'eau.

joie. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre, de savoir pourquoi. Ce désaccord me maladroit. J'arrive encore à capturer mes joies. Je dois tout savoir, éventuellement. Je dois tout savoir, éventuellement. Voici donc un mix, et puis juste après le mix, on écoutera tout simplement Modern Talking, Human Heart, Human Soul. heart. In my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world, it's fantasy. I'm living in my dream. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling alright, come on, open up your heart. I'll keep this candle burning. Let your body melt in mine. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel it. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voilà donc deux titres différents, et puis donc c'est un petit coucou à Madilt, si elle écoute. Donc voici donc deux chansons différentes pour Madilt. En toi, mais n'écoute pas les autres, tu écriras ton histoire. Je sais que toutes les nuits, dans ta tête, y'a cette voix qui te dit que t'es nul, qu'en vrai t'y arriveras pas. Et trop souvent t'es en colère, tu te braques un peu pour rien. Écoute un peu plus ton cœur, tu verras, tout ira bien. Et ça ne sera pas facile, y'a des jaloux sur le chemin. Fais pas confiance aux gens, mais un peu plus à ton destin. Succès, promis, je te lâcherai pas. Trop souvent incomprise, avec le temps ça ira. Des moments de solitude où t'en voudras à tout le monde. Pour le buzz ou pour les thunes, des amis te trahiront. Tout n'est pas noir, je te rassure, tu feras de belles rencontres. Et même si t'as des blessures, chaque épreuve est une leçon. C'est pas toujours facile, t'en as vu toutes les couleurs. Plus tard, j'ai trompé des fleurs.

sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai crié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Voici donc, elle s'appelle tout simplement Lolo Justine. J'ai un cœur, et puis juste après, on écoutera les JC King. Le pas charmant, oui, je l'attends. J'ai un cœur tout mou, que même s'il prend des coups, reste fragile comme avant, comme quand j'étais une enfant, que je voyais tout en grand, qu'on me mentait souvent. J'ai un cœur d'artichaut, je suis comme un vieux cabot, qui n'espère qu'une caresse, pour que sa queue se dresse. Mais après ça, on me laisse, je dis rien, mais ça me blesse. Son air, alors que le cœur de pierre se brise comme du verre en mille morceaux par terre. J'ai un cœur élastique qui paraît fait magique, se gonfle de trop d'amour. Un seul regard de velours posé sur moi toujours prend l'éclat du premier jour. Charmant, oui, je l'attends. Tu, tu, tu, tu, tu, le prince charmant, oui, je l'attends. Prince charmant, je l'attends. En conquérant, tu prends. Puis un chasseur, tu ravages. tout ça pour finir en mirage. Le prince charmant, oui je l'attends. Le prince charmant, oui je l'attends. Le prince charmant, oui je l'attends. Le prince charmant, oui je l'attends. Arc-en-ciel, un amour de FM. Thank you. meilleur son latino. Pour en fin d'après-midi, à partir tout simplement de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte. Et puis ainsi qu'à partir de 19h jusqu'à 22h avec Albino, l'émission. Oui, ça, ton émission, tout simplement Marika. Voilà donc pour les deux émissions de ce soir. Ainsi que pour demain, on sera donc eh bien samedi à partir de 9h jusqu'à midi. Vous allez retrouver Christine avec l'émission Portugal Nos Corésiens. Et bien ainsi que pour les dimanches, eh bien vous allez retrouver tout simplement les trois émissions directes au parc Livrol, tout simplement avec l'émission de Antonio et Mathieu pour le Cantal du Gallo, ainsi que pour l'émission de Lionel, Katia, Jérôme pour l'émission Le Téléphone Sonne et moi-même pour l'émission Music and Dance, musique accordéon. Moi-même, voilà, donc on sera tous là-haut au Livrol parc, tout simplement dimanche, même aussi demain. Et bien donc voici quelques chansons différentes. Le premier c'est bien sûr Céline Dion, suivi de Goldman, et puis d'autres chansons différentes. Un petit coucou tout simplement à Féro. Voilà donc, bon après-midi à tous et à toutes. Le titre s'appelle tout simplement d'abord, c'est quoi l'amour ? Attention cœur, souvent tu parles trop, souvent tu joues avec les mots, moi quand tu parles je ne joue pas, je te crois. Moi j'entends pour la vie, mais toi c'est une nuit, et sans savoir ce que c'est l'amour, tu passes ton temps à parler d'amour. D'abord c'est cruel, je vous emmène. j'apprends les choses avec le temps. Oh, oui, ben. J'ai attendu bien trop longtemps. Aujourd'hui, c'est le bon moment de t'avouer mes sentiments. Je t'aime secret. Ce feeling inavoué. Je t'aime secret. Ce feeling inavoué. Je me sens seule avant toi. besoin même de parler. C'est l'amour nous qu'a emporté jusqu'au paradis.

Voici donc Elsa avec Tant Papa, il suffit de Montargis. Montargis, un des titres de Montagnier qui était fait quand la commune que je vous ai dit à l'instant. Le titre de la chanson juste après, c'est In the Fool, qui était là-bas pendant un week-end. Chanson de Céline Dion, le titre s'appelle Parlez-moi à mon père, et puis juste après Village People. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant,

Voici le groupe Bonham, mais juste après Frédéric François. S'appelle Aimé. FM avec Dany Briand. Je marche dans la ville, tout me paraît hostile, pas un regard, pas même un geste. Alors je désespère, je cherche une lumière, mais ton sourire vient me sauver. Les hommes font la guerre, au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne mène les armes, nos enfants seront protégés. Faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre vie? Maintenant, laissez la place. Verrez où elles passent. Elles en feront un paradis. Thank you. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Devenez adhérent de la radio Arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. L'émission touche à sa fin. Voilà, donc on va se retrouver donc bien d'ici quelques jours. Mais avant donc bien l'émission donc touche à sa fin. Voilà donc et bien je souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et puis donc voilà. Donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Festival Radio Arc-en-Ciel. Le festival des saints populaires aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Venez nombreux. Arc-en-ciel, un amour de la femme.

bien gaulé, pas baraqué. Sur mes épaules. La peinture et les faux plafonds, notre futur en question. En pleine jungle, je chantais l'amour et la crasse. Pour quelques joints, le soleil du rhum et des passes. J'avais de la musique sous les ongles et la langue. Bien pendu, je laissais s'exciter le monde au fond de ma vallée perdue. Écoutez bien ce que je dis. Pas du Nord, je suis d'ici. C'est pas vraiment le paradis, mais c'est ce que je veux. Ce vieux rat me braque. Je reste seul sur l'écran où siffle des matraques. D'exception, arrêtez le massacre. Il m'a cassé les doigts, dit. N'est-ce pas mourir pour partir, hein? Reviens pas sur ce que je dis. Ah non. Pourquoi pas, hein? Sur place, liberté t'as pas de prix, mais pour l'angoisse c'est gratuit. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Non.

s'ils pêchaient, leur vie ne coûte rien. À deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Au concours des misères, leur taudis valent bien. New Delhi, Calcutta ou Harlem, c'est aussi pittoresque et c'est beaucoup moins loin. À deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Vous les voyez traîner de mon rouge à pantin. Pourtant, ils pourraient bien un matin venir vous réveiller, vous qui dormez si bien. À deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens, à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. À deux pas de chez toi, va donc voir tes voisins. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Est-ce que tu comprends ça? Je veux plus de combat. candeur. Un morceau de glace à la place du cœur. Même si je tiens. d'un corps qui s'y serait plongé. Moi je me rappelle encore, je n'ai pas renoncé. À quelque chose en plus, à quelque chose en moins, comme l'eau qui se rappelle, comme l'eau qui se souvient. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. La FM en couleur. McDonald's sleeping on a canapé. McDonald's sleeping on a canapé. Pas dormir sans oreiller, y'a trop de souris dans le grenier. Et McDonald is sleeping on the canapé. Coccinelle est au bout de mon doigt. Coccinelle est au bout de mon doigt. Monsieur le shérif, je ne peux pas faire du mal à plus petit que moi. Ah, Coccinelle est au bout de mon doigt. Pistolero dans les grands canyons. Pistolero dans les grands canyons. À cheval poursuivant la bonne, elle est mignonne, elle est mignonne. Hey. Pistolero dans les grands canyons. McDonald est caché dans le bois. McDonald est caché dans le bois. Pistolero ne le sait pas, aluminium est dans ses bras. Ah, McDonald est caché dans le bois. Le soleil dort, le ciel est de velours. Le soleil d'or, le ciel est de velours. Aluminium se meurt d'amour. McDonald's dit, il va faire jour. Le soleil d'or, le ciel est de velours. McDonald's is sleeping on a canapé. McDonald's is sleeping on a canapé. Aluminium fait son café. Ils ont fini par se marier. Hey, McDonald is sleeping on a canapé. Parfois dans la radio, j'entends ma grosse voix. C'est pas souvent, faut dire, enfin ça arrive parfois. Je me dis qu'avec une voix comme ça, on peut pas chanter l'amour. Faudrait plus de trémolo, du feeling, du vibrato. La fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche non plus. Seulement mystère et boule de gomme, c'est pour celle-là que je me sens un homme. Quand je la vois qui vient vers moi, ça me fait des frissons. Quand elle s'éloigne de moi, je me retrouve tout visage, c'est merveilleux. Elle a une bouche et deux yeux. Et puis aussi un menton et un nez avec un front. À gauche, une petite oreille cachée par ses cheveux. À droite, une petite oreille aussi cachée par les mêmes cheveux. Quand elle est en pantalon, on voit son derrière tout rond. Quand elle met une robe, on le devine, c'est excitant. Et puis ses seins qui sont deux, heureusement qu'ils sont pas trois. Sans ça, j'aurais jamais assez de doigts pour jouer avec quand il fait froid. Là où c'est super bon, c'est difficile à décrire. Les images, les comparaisons, c'est vraiment jamais dans le ton. Autrefois, dans une autre chanson, j'ai dit qu'elle avait un ventre comme une plaine à blé mûr, mais ça faisait agriculture. Surtout que maintenant, dans les champs, c'est vachement mécanisé. On voit dans les plaines à blé des moissonneuses batteuses-lieuses. C'est pas une chose à souhaiter qu'elle se trouve sous un engin comme ça. Il vaut mieux pour faire l'amour ce que la nature a prévu pour. Je peux pas tout vous raconter, d'ailleurs ça serait déplacé. Et puis on va dépasser la limite des 3 minutes. Quand une chanson c'est trop long, les radios vous la passent pas. Moi j'ai beau avoir du cœur, il faut bien que je fasse mon beurre. Suis qu'à fait ces couplets-là, il vous dit pour terminer que chacun prenne sa guitare et fasse sa propre chanson. Quand ce jour-là arrivera, j'aurai plus à venir comme ça. Faire entendre mes discours et mes chansons d'amour. McDonald's is sleeping on the canapé. McDonald is sleeping on the canapé. Je peux pas dormir sans oreiller. Y'a trop de souris dans le grenier. McDonald is sleeping on the canapé. Coccinelle est au bout de mon doigt. Coccinelle est au bout de mon doigt. Monsieur le shérif, je ne peux pas faire du mal à plus petit que moi. Elle est au bout de mon doigt. Pistolero dans les grands canyons. Pistolero dans les grands canyons. À cheval poursuivant la bonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Hey. Pistolero dans les grands canyons. McDonald est caché dans le bois. McDonald est caché dans le bois. Pistolero ne le sait pas. Aluminium est dans ses bras. McDonald est caché dans le bois. Le soleil dort, le ciel est de velours. Le soleil dort, le ciel est de velours. Aluminium se meurt d'amour. McDonald dit, il va faire jour. Le soleil dort, le ciel est de velours. McDonald is sleeping on the canapé. McDonald is sleeping on the canapé. aluminium fait sans café. Ils ont fini par se marier. Hey, McDonald's est sleeping on a canapé. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Je t'aime bien Lily, pour tous les livres que tu lis. Je t'aime bien Lily, je t'aime bien au lit, je t'aime bien au lit aussi. Tu es le oui du mot ma nuit, du mot ma vie. Tu es le oui du mot ma nuit, du mot ma vie aussi. Je t'aime bien Lily, pour toutes les bêtises que tu dis. Je t'aime bien Lily, quand tu m'ennuies aussi. Tu es le oui, du mot ma nuit, du mot ma vie. Tu es le oui, du mot ma nuit, du mot ma vie aussi. Je t'aime bien Lily, quand tu rentres trop tard et que tu me souris. Lily, c'est pas la pluie, c'est lui. Je t'aime bien Lily, bien qu'on n'aura jamais les mêmes jeudis. Lily, Lily, Lily. Je t'aime bien Lily, mais j'ai du mal à vivre cette vie. Entre le silence et l'oubli, j'attends mon paradis. T'es pas le oui de mon logis, de mon abri. Tu es le oui du mot ami, du mot ennemi aussi. Je t'aime bien Lily, quand tu rentres trop tard et que tu me souris. Lily, c'est pas la pluie, c'est lui. Je t'aime bien Lily, bien que je sois pas le seul à qui tu dises oui. Lily, quand on est tous les deux la nuit. Je t'aime bien Lily, je t'aime bien au lit, je t'aime bien au lit aussi. Tu es le oui du mot désir, du mot envie. Et c'est pour ça que je reste là, que je reste ici. Lily, pour le raccrocher à nous. vieillesse nous fait frémir. On ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle. Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour, un détour insolite chez le glacier du coin. Quand je serai vieux et tout seul, demain ou après-demain, je voudrais comme celui-là par moi, avec mes sous si j'en ai, m'acheter une glace à deux boules et rêver sur leur saveur à un monde rempli d'enfants. Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. Maintenant, nous m'aimer sans attendre à refaire le présent. Je donne à ceux qui sourient, et combien le droit de sourire. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Donnerai tous les jardins de Monte-Carlo, Théâtre Chardin, l'agent garde un, Colombe et Charles, pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie Sabra. Je donnerai tous les jardins de Monte-Carlo, je donnerai Sèvres et Seguin, les ponts d'Arles, Coq et Gauguin, l'eau du Jourdain, faut qu'on en parle. Pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie Sabra, je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles. Donnerai Vichy, Verdun, Sigmund et Carr, dit Tyrolien, Suisse italien, qui chante et carle. Mais vous dans d'autres bras, dormez jolie Sabra, loin de Gauguin, loin des jardins de Monte Carlo. Cocktail maudit, se photographier seul la paix dans la magie. Hong Kong, Shanghai, Macao, Bédalon, Lisbonne, Coimbre, Venise. Elle explorait les villes, chemins indiscrets. Voler au pencil sur du papier glacé. Elle aimait aussi s'étirer au soleil, sans le peignoir rayé marqué du nom de l'hôtel. Berlin, Amsterdam, Saint-Pétersbourg. Poser ses empreintes sur les beaux cuirs usés, des bouloirs de mi-teinte, le goût des voix feutrées. Quand loin lui faisait trop, elle aimait revenir dans les jardins secrets cachés dans son cachemire. Sexy que ses fans adorent.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Rádio Arc-en-Ciel organiza a sua festa dos Santos Populares no Parque de Lignerolles, dias 9 e 10 de julho. Sábado, no final da tarde, desfile, apresentação, despique de três grupos de bombos. Bombos Os Amarantinos, de Olivette. Bombos Sol de Portugal, de Mangue-sur-Loire. Bombos Os Amigos do Norte. Jantarada ao ar livre. Noitada animada pelo grupo Energia. Pausa com Marquito. Pelas 23h30, Energia. Uma da manhã, final do concerto. Bar e restauração aberto até às 2 da manhã. Domingo, a partir das 10 horas, emissão em direto do parque. Com vários animadores e entrevistas. Pelas 11h30, abertura do bar e restauração. Pelas 12 horas, almoço musical com fados na voz de Tony do Porto. Pelas 14 horas, discurso dos oficiais. 15 horas, Valentina Ferrari. 15h30, Tony do Porto. 16 horas, Helena Correia. 17 horas, Nel Monteiro. 18 horas, Léo e Leandro. 19 horas, despique dos três grupos de bombos. Para o final das festividades, bar e restauração até às 20 horas.